Chapitre 8. Je me lavais à grande eau dans un ruisseau. J'avais eu soin aussi de laver mes habits, et quant au col de ma chemise qui était tout déchiré, je n'avais eu qu'à l'ôter et à relever le collet de ma veste. Je n'en devais pas moins être dans un drôle d'état quand j'arrivais chez Monsieur Loup. C'était vers les 5 heures du soir, j'avais marché toute la journée. De loin déjà, je fus surpris des changements qui s'étaient faits. La porte de la maison, toujours ouverte dans le temps, était fermée. Les contrevents tirés, le jardin mal soigné et plein de mauvaises herbes, il y avait sur toutes ces choses un air d'abandon qui serrait le cœur. Je tirai la sonnette. Jamais je n'avais remarqué le son qu'elle eut ce jour-là, mais c'est aussi que le silence n'avait jamais été si grand. On ne venait pas ouvrir. Un moment, je fus sur le point de m'en retourner, mais j'avais trop besoin de Monsieur Loup. Je sonne de nouveau. Enfin, un pas se fait entendre, la porte s'entr'ouvre, une tête s'avance. « Qu'est-ce que vous voulez ?» En même temps, la tête se retire. Je vois que Monsieur Loup ne me reconnaît pas. Même je devais lui avoir fait peur. De mon côté, c'était à peine si je l'avais reconnu, tellement il était vieilli. Il était tout en noir. Il clignait un peu des yeux à cause de la lumière. Et maintenant, la porte se refermait de plus en plus. Elle allait se fermer tout à fait. « Monsieur Loup !» me mis-je à dire. Je ne savais pas très bien ce que je disais. « Monsieur Loup, c'est Samuel, c'est moi, Samuel, qui revient !» Il se redressa brusquement. « Toi ? » dit-il. Je repris. « Oui, c'est moi. C'est Samuel Belay qui revient. » La porte ne s'était toujours pas ouverte. « Toi ? » recommençait-il. « Arrangé comme tu es là, après tout ce qui s'est passé, toute la peine que j'ai eue, et pas un mot depuis 2 ans ?» Il semblait qu'il n'y pût pas croire, ou bien simplement était-il fâché. Mais il ne me disait pas d'entrer. Alors voilà qu'en moi quelque chose crève. Et les mots que je n'avais pas trouvés jusqu'alors, les mots qu'il fallait, tout à coup me viennent. Oh, je sais bien que j'ai eu tort. Je suis parti sans rien vous dire, pas même merci, je sais bien. Et je me suis mal conduit, je sais bien, mais j'étais malheureux. Et ensuite j'ai eu honte. Je n'osais pas revenir. Je vous demande bien pardon. La porte, cette fois, s'était ouverte toute grande. Il avait les larmes aux yeux. Il m'avait pris la main, il me la serra. Entre, mon garçon. Du moment que tu regrettes ce que tu as fait, tout est oublié. J'entrai. Le corridor était frais, avec un joli carreau rouge. Les murs peints à la chaux brillaient, et la cuisine, au bout, montrait sur des rayons des pots à lait bien alignés, à côté d'une grande bassine en cuivre jaune. Il y avait des tabourets de paille autour de la table. Il en tira un. Il m'y fit asseoir. Il me dit « As-tu faim ?» Je n'avais rien mangé depuis le matin. Il alla chercher sur le râtelier un quartier de fromage et un morceau de viande. Il m'apporta aussi du vin. Il me dit « Mange et bois ». Et tandis que je mangeais, il s'était assis à côté de moi. Il se tenait les bras posés devant lui sur la table. Il reprit « Vois-tu, ici aussi, il y a eu bien du changement. Ma femme est morte ». Brusquement, je compris la raison de cet air d'abandon qu'avaient les choses autour de lui, son air à lui également. Et je m'arrêtai de manger. Mais il continua « Mange seulement, mon garçon, il faut bien vivre. Moi, je vais par la force acquise. C'est comme la pierre qui roule. Mais toi, tu es jeune. Il ne te faut pas t'inquiéter de nous. » Un silence, encore. Une goutte, par moment, tombait de la pierre à eau, et elle faisait un petit bruit sec sur l'évier. Bien souvent, je me suis demandé ce que tu devenais. Personne ne pouvait me le dire. J'étais voir Monsieur Gonin, il n'avait rien compris à ta conduite. Mademoiselle Grandjean non plus. Enfin, tu as eu sans doute tes raisons. Je ne te demande rien. On parlera plus tard de tout ça. Pour le moment, tu n'as qu'à rester ici. Il y a de la place maintenant. Je viens de recevoir mon bois pour l'hiver. Tu auras de quoi t'occuper. » Doucement, ainsi, il me parlait. Un grand moment encore, il continua sur ce même ton. Et moi, tout attendri, je l'écoutais sans rien trouver à dire. Mais sa voix me faisait du bien. Je mangeais à ma faim, je bus à ma soif. Quand j'eus fini, il me mena dans ma chambre. C'était la chambre des visites. Il fut plein d'attention pour moi. Il m'apporta de l'eau chaude, changea les draps du lit, m'engagea même à me coucher, pensant que j'étais fatiguée. Hélas, toute sa bonté ne servit à rien, comme on va voir. Il était écrit que je ne trouverais pas de sitôt le repos et que ma route devait être encore longue, car tout mon cœur allait vers Mélanie. Il me tardait de la retrouver. Nous soupâmes. Après souper, je dis à Monsieur Loup que j'avais affaire au village. Il me dit qu'il ne se couchait qu'à 10 heures, j'avais donc du temps devant moi. Je courus au village, j'entrai au 22 cantons. Larpin y était justement. Je vais à lui, la main tendue. Il lève la tête, il me considère un instant, puis « Nom d'un tonnerre, Samuel, si je m'attendais à te voir ici !» Et comme je m'étais assis à côté de lui, « Alors comme ça, d'où viens-tu »« J'ai voulu voir du pays. J'ai été faire une tournée dans le plateau. » Il cligna de l'œil, il me dit « Eh bien, ils t'ont joliment arrangé dans le plateau. » Je voyais bien que ce qui l'intriguait le plus, c'était ma figure. Il est vrai qu'il y avait de quoi. Pourtant, au lieu de lui répondre, « Et par ici ?» lui demandai-je. « Est-ce qu'il y a des nouveaux ?»« Des nouveaux, pas tellement. Ça va toujours son petit train. Mais, reprit-il, dans ton plateau, comme tu dis, dans ton plateau. » « Et à la maladière ?»« Oh, à la maladière. Tu comprends, j'arrive, je ne sais rien. »« À la maladière, ça n'est pas brillant. » Mais à mesure que je me rapprochais de la question essentielle, je devenais plus insistant. Je l'interromps donc de nouveau. « Ulysse ? Il est loin. Et les filles ? Quelles filles ? Les filles, parbleu, la tienne. La mienne ? Et puis les autres ?» Je fis halte un instant parce que j'avais de la peine à respirer. « Les autres ? Mélanie ?» Le nom tomba. Il y eut un silence. Alors, dans ce silence, il souleva la tête, l'air un peu ennuyé de toutes mes questions. Et comme il m'aurait dit « Il fait froid aujourd'hui » ou bien « Il va pleuvoir », il me répondit « Elle est mariée. » Je ne bougeais pas. Je fis seulement un petit mouvement avec mes genoux sous la table. Il ne vit rien. Il regardait distraitement devant lui. « Oui, » continua-t-il, « avec le gros Jordan de la Baumette. C'est à la fête de jeunesse que ça s'est décidé. Il y aura 2 ans cet automne. Qu'est-ce qui te prend ? Tu t'en vas déjà ? Oui, il faut que j'aille. Moi qui viens justement de commander un demi. Ça ne fait rien, il faut que j'aille. » « Tu fais un drôle de gaillard, Samuel. » J'étais déjà loin. Et je courais maintenant dans la nuit, éclatant de rire sur moi-même, parce qu'il faut bien finir une fois par voir les choses. Et c'est amusant quand on les voit. « Un drôle de gaillard, Larpin avait bien dit, comme si j'avais eu besoin encore de cette preuve. Mais est-ce que je saurais jamais voir clair ?» Et donc je riais sur moi-même. Et cependant je courais dans la nuit. Et il y avait comme un grelot attaché à mon cou, qui était ce nom que je répétais, « Mélanie, Mélanie, il te faut pleurer, me dis-je. Tu as besoin de te vider, vide-toi. » Pourtant, je ne me vidais pas, au contraire. Il me semblait que mes idées allaient tout le temps gonflant dans ma tête, comme des haricots dans l'eau, et que mon crâne allait éclater. Je le pris dans mes mains, je le serrai dans mes mains, puis tout à coup mes moelles s'enflammèrent. Où est-ce que j'allais ? Je le compris soudain. « Ils sont là-bas, pensais-je, ils sont couchés, tant mieux. » J'enfoncerai la porte, je leur sauterai dessus. Lui, je le prendrai par le cou. Quant à elle, elle, je voyais bien ce que je lui ferais. Il ne faudrait pas qu'avec elle la chose allât si vite. Je ferais en sorte qu'elle eût le temps de se sentir souffrir. Par exemple, l'enfermer dans sa chambre et mettre le feu à sa maison. La Baumette étant isolée, on ne s'apercevrait de rien. Elle verrait les flammes gagner peu à peu vers elle sans qu'elle pût espérer de leur échapper. Et moi, caché tout près de là, je guetterais chacun de ces cris qui viendraient de plus en plus espacés, de plus en plus rauques, et chacun serait comme une goutte d'huile sur ma brûlure, jusqu'à ce qu'ils eussent tout à fait cessé. Mais, tout à coup, la maison sortit d'entre les arbres. Et voilà que je sens mon cœur qui se fend comme une pierre par les grandes gelées. Il ne me reste plus qu'une grande envie de pleurer. « Tu n'as pas le droit, me disais-je. Tu vas seulement l'appeler, elle viendra, tu lui diras adieu. Tu ne lui feras pas de reproches. Tu lui diras que tu t'en vas pour toujours et que tu as tenu à la revoir. Donne-moi la main, Mélanie, pour qu'on se quitte bons amis. » J'étais arrivé près d'un tas de planches qui étaient appuyées au mur sur le derrière de la maison. D'où j'étais, je ne pouvais pas voir sa fenêtre. C'est pourquoi je m'avançais jusqu'à la barrière du jardin. Je me tenais des deux mains à la barrière, sans quoi je crois que je serais tombé. Et tendant la bouche en avant tout doucement, presque sans bruit, mais il y eut au-dedans de moi un grand cri quand même. « Mélanie ! Mélanie !» Je n'avais plus ma raison, je sais bien, mais qui peut se vanter de garder sa raison tous les jours de sa vie ? J'appelais donc, on ne me répondait pas. Alors je force un peu ma voix, et je pensais sûrement qu'elle a le sommeil plus léger que son mari. Elle se réveillera la première, et elle reconnaîtra ma voix. En effet, presque aussitôt, une espagnolette grince, une tête paraît à une des fenêtres du rez-de-chaussée. On demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ce n'était pas elle, c'était l'autre. Je retiens mon souffle, je me fais petit, heureusement qu'on ne pouvait pas me voir, étant protégé contre les regards par les hauts échalas d'un carré de poids mange-tout. On reprend un peu plus fort. « Qui est là ?» Je ne répondais toujours point. J'attendais qu'elle parût, elle. Je pensais, quand elle s'approchera de la fenêtre, je m'avancerai et je lui dirai « Mélanie, c'est Samuel qui est venu prendre congé de toi. » Elle ne vint pas. Ce fut sa voix qui vint à sa place. Du fond de la chambre, dans le silence de la nuit, je l'entendis qui disait « Voyons, François, il n'y a personne. Viens te recoucher. » Je te dis, moi, qu'il y a quelqu'un, on a appelé. « Tu as rêvé, François. S'il y avait quelqu'un, on aurait déjà répondu. » Pourtant, celui qui s'appelait François ne bougeait toujours pas de la fenêtre, regardant tout autour de lui. Et un peu inquiète, peut-être, mais je crois plutôt amusée, elle reprend « Puisque tu ne viens pas, je vais te chercher. » Distinctement, alors, je la vois s'approcher, dans sa chemise de nuit, blanche. Sa figure, dans la lune, était toute blanche, elle aussi. Elle passe le bras autour du cou de son mari, et comme lui, elle se penche. Son regard croise le mien. Est-ce qu'elle ne sentit rien? Je ne pense pas. Elle se mit à rire. « Nigaud, disait-elle, tu vois bien qu'il n'y a personne. Dépêche-toi de venir te recoucher, tu vas prendre un rhume. » Puis, comme il s'obstinait, « Je ne sais pas, je ne suis pas tranquille. J'aurais dû aller faire le tour de la maison. » Voilà qu'elle lui passe le bras autour du cou et elle l'attire contre elle. « Viens vite, mon chéri, on sera mieux au lit qu'ici. » Leurs lèvres à présent se touchaient. Il l'avait prise entre ses bras, il la serrait contre lui. J'avais entièrement oublié ce que j'étais venu faire. Quand j'y pensais de nouveau, les contrevents s'étaient refermés. Je me tenais toujours des deux mains à la barrière. Les angles du bois m'étaient entrés dans la peau. Un grand moment encore, je restais là. Le ciel au-dessus de moi était plein d'étoiles. J'ôtais mon chapeau, je saluais la maison comme une personne qu'on quitte, puis je partis, me laissant aller à la pente. Et je ne m'arrêtais que quand le lac fut devant moi. Pourquoi y avais-je été ramené? Mais j'étais de nouveau tout près de la cabane de Pinget et du saule. Il y avait là une épaisse haie de verne avec du sable d'un côté. Je m'étendis dans le sable, à l'abri de la haie. La tête me faisait très mal, j'avais un goût amer dans la bouche. Je me levais, j'allais boire au lac. J'avais dû toutefois finir par m'endormir. Quand j'ouvris les yeux, il faisait grand jour. Le soleil était levé. Il sortait de derrière la chaîne des diablerets qu'on voyait se dresser toute bleue dans la fine lumière, et des petits nuages roses montaient au ciel en même temps que lui. Sur les feuilles autour de moi, il y avait de la rosée. J'étais tout raide de froid. Mais une douce tiédeur pénétrait déjà l'air, les mouches s'étaient réveillées, et au bout de chaque petite vague dansait une langue de feu. Je m'étais accoudé, la tête dans ma main, je regardais devant chez Pinget se balancer une barque. C'était une barque à voile, je ne lui en connaissais point. Dans la barque, il y avait un homme à barbe noire qui était justement en train de hisser la voile qu'on avait roulée pour la nuit. Il l'avait d'abord dépliée, puis, l'ayant passé à la vergue, il tira sur la cordette, et la vergue s'éleva en grinçant le long du mât, tandis que la toile pendait en faisant des plis. À ce moment, le père Pinget s'approcha dans son bateau. « Eh bien, dit l'homme, on aura joli temps, ça va souffler de bise. » Le père Pinget leva la tête. « Pas des temps gros airs, en tout cas. Il risque bien de tomber vers midi. »« Oh, quant à ça, reprit l'homme, tant pis. À midi, on sera rendu. » « Et Cyprien ? » reprit Pinget. « Il n'est pas encore là ?»« Je l'attends. On s'est donné rendez-vous pour 6 heures. » Cependant, la grande voile et le foc étaient en place. Impatiente, la barque tirait sur son ancre en grinçant. Je n'avais pas tardé à m'apercevoir à son accent que l'homme de la barque était un Savoyard. Sans doute était-il venu chercher un de ses camarades, parce qu'en ce temps-là, en 1862, il n'y avait pas encore tant de ces bateaux à vapeur, un ou deux seulement, et il n'abordait pas souvent à la roche. Je la voyais là-bas, la Savoie, briller avec ses toits et ses rochers de verre, à travers une mousseline d'air bleu. Je me dis tout à coup, c'est un autre pays là-bas. Je me lève, je m'approche. Le père Pinget venait d'aborder. Il s'était baissé pour prendre dans le fond du bateau sa seille pleine de poissons. Quand il se redressa, j'étais devant lui. En même temps, son aide et l'homme à barbe noire s'étaient tournés vers moi. M'adressant au père Pinget, « Croyez-vous que je pourrais passer le lac avec vous ? » Comme tous ceux que j'avais rencontrés depuis mon départ de la ferme, il semblait plein d'étonnement et de méfiance. Le père Pinget me dit « D'abord, qui êtes-vous, vous ? » ?»« Vous ne me reconnaissez pas ?» Il me considère, puis « Ah, c'est vous avec qui ?» Il s'arrête, et moi « Oui, c'est moi. » Et moi non plus, je n'allais pas plus loin. Là-dessus, Pinget recommence « La barque n'est pas à moi. Il vous faut vous adresser à son propriétaire. » Il me montre l'homme à barbe noire. Je demande à l'homme « Est-ce que vous me prendriez avec vous pour passer le lac ? Vous me rendriez bien service. Je paierai ce qu'il faudra. » L'homme hésitait, rapport à cet air que j'avais, ma bosse au front, ma lèvre fendue. Il fallut que le père Pinget intervînt. « Tu peux le prendre, Joseph, il n'est pas méchant, je le connais. Il a été domestique tout près d'ici, dans le temps. » Alors l'homme à la barbe noire, « Eh bien, c'est entendu, vous pourrez venir avec nous. Quant au prix, vous nous paierez une tournée. » Il n'avait pas fini de parler qu'un quatrième personnage arrive, précisément celui qu'on attendait, qui dit bonjour, qui serre la main aux trois autres, puis qui se tourne lui aussi vers moi et qui demande « Qui est-ce ?» Celui qu'on appelait Joseph lui répond « C'en est un qui passe le lac avec nous. Pinget le connaît. » Je m'aperçois alors que le dit personnage avait un œil crevé. Il me dit « Et ton bagage ?»« Je n'ai point de bagage. J'ai mes deux bras, ça me suffit. J'aimerais aller voir comment il y fait par chez vous. »« Tu penses que la terre y est moins basse ?» Puis, hochant la tête, « Ça n'empêche pas qu'avec une figure comme la tienne, on n'aimerait pas tant te rencontrer au coin d'un bois. » En moins de rien, il avait mis tout le monde de bonne humeur. Il attend alors un moment, comme pour voir si je ne me déciderais pas, moi aussi, à rire, puis, tirant de sa poche une bouteille de goutte, « Enfin, voilà toujours de quoi te consoler. On la boira pendant le voyage. » Mais Joseph était pressé de partir. Il me fait asseoir au fond de la barque. Lui-même prend place à l'arrière. Il lève l'ancre, amène l'écoute, et tout à coup la voile se gonfle, pendant que le père Pinget et son aide sur la rive nous crient « Bon voyage !» en soulevant leur chapeau. Fin de la première partie.